dure la journée, ça sature. Putain, ça devient dur, y'a trop de gaz de voiture. Les phares qui s'allument, reflètent sur le bitume. Les soirs de pleine lune, la quête de fortune. On sort les poubelles, on sort, on se fait belle. On sort faire du zèle, la lui ouvre ses ailes. Tout est permis, on est endormi. On est sorti, bonne nuit les petits. Le strass, les paillettes, on sort faire la fête. Des boutons de manchette, au lacet des baskets. Tout le monde se retrouve dans le même bain. Et puis tout le monde se côtoie jusqu'à demain. Un bouillon de culture, part à l'aventure. La vie change, on baisse les devantures. 15 francs de vie, on repart cuit. Tout ça, ça se passe la nuit. Toujours la même rengaine. Les ruelles noires où y'a personne qui traîne. Les rues éclairées où on est des centaines. Les gens qui tracent chacun de son côté. Finalement c'est vrai, personne à qui parler. La meuf qui s'est draguée, le type qui s'est jeté. Le McDo blindé et la queue devant le ciné. Celui qui fait pisser depuis cette loi est passée. Son pit tard le soir pour toi le museler. La meuf qui te dit tu me ramènes par chez moi. Le type à sa fenêtre qui lui mate chez toi. Les chiens qui aboient, les rats qui se côtoient. Les mecs en l'air gars, les types en te bois. 15 francs le demi, on repart cuit. Tout ça, ça se passe la nuit. La vieille crie au vol, les gens qui regardent et qui le font passer. Qui viennent pas aider, dont faut pas y compter. Porno à la télé, le petit en train de mater. Le tag encoursé par boucher du quartier. Contrôle de papier avec la BAC. Les épices réduites et les bières pas glacées. Le flic véreux qui vient taxe les deux. Proxo et qui veut gagner autant qu'eux. Tirer une BM pour faire un rodéo. A fond sur le périph' et ensuite faire les shows. Car police garée, on est habitué. Y'a du shit qui se vend à 10 mètres des condés. La petite gauche qui flippe, qui vient en l'acheter, qui veut pas que son papa la voie défoncée. Change de disque, la nuit propice à tous les fils. La nuit le moment où tout le monde glisse. On flambe, on change de personnalité. T'oublies qui tu es dans la journée. La nuit, tous les crimes sont commis. La nuit, les vampires sont sortis.